Mosaïque. Bonjour à tous, fidèles auditeurs, auditrices de la radio Isanganiro, et merci d'avoir choisi ce rendez-vous de l'émission Mosaïque. Le rendez-vous électoral de 2020 approche de plus en plus. La Commission électorale nationale est indépendante et ses démembrements sont à l'œuvre avec un œil sur le calendrier déjà établi. Et voilà que les prétendants au fauteuil présidentiel, 6 sur les 10 dossiers qui étaient sous analyse, sont déjà connus. Nous avons l'honneur aujourd'hui d'accueillir sur le plateau deux d'entre eux qui vont nous parler au cours des quelques minutes qui vont suivre de leur projet de société, analyse de la situation à l'état actuel des choses, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter comme changement pour améliorer la vie du pays et de son peuple, avec quelles sources et bien d'autres interrogations encore. Les deux invités sont tous des représentants des partis politiques. Gaston Sindimo pour le compte du parti UPRONA, il est aussi le premier vice-président de la République depuis 2015. Merci Excellence de participer à ce débat, ce n'est pas si souvent que l'on vous reçoit. Bonjour et bienvenue. Bonjour, je vous remercie aussi de votre invitation. Notre deuxième invité, c'est l'honorable Léon Senghenda-Koumana. Il est le vice-président et candidat du parti Sawanya Frodebou. Bonjour et bienvenue. Bonjour et merci beaucoup pour m'avoir invité. Et je salue aussi nos auditeurs. La mise en onde est assurée par Eli Kadogo, Jérôme Nionzima à la réalisation et au micro, Léon Sebitaliho. Encore une fois, bonjour ou bonsoir et bienvenue. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Permettez que je m'adresse d'abord à vous, Gaston Sindimo. Vous êtes le premier vice-président de la République. Votre parti, l'UPRONA, vous a choisi pour le représenter à la présidentielle du 20 mai prochain. Qu'est-ce que vous comptez apporter de plus que vous n'avez pas pu accomplir pendant 5 ans presque? Le numéro 2 du gouvernement, ce n'est pas en tout cas n'importe qui. Bon, si vous dites que nous n'avons pas pu accomplir, je ne sais pas si vous dites l'UPRONA ou le CNCD. Et je suis le vice-président de la République. Je dis bien, de par le poste que vous avez en tant que premier vice-président de la République. C'est ce que j'allais vous dire, parce que le vice-président de la République, il est le vice-président d'un président de la République qui est le garant du programme du parti qui a gagné les élections. Donc, moi, je suis le vice-président de la République et nous avons fait tout ce que nous avons pu. Le programme du parti qui a gagné les élections, étant vice-président de la République, nous l'avons honoré. C'est avec satisfaction que nous sommes ici aujourd'hui. Vous êtes satisfait de ce que vous avez pu réaliser en tant que membre influent du parti UPRONA au sein du poste que vous occupez en tant que premier vice-président de la République? Bon, je suis très satisfait par rapport au président de la République qui est mon patron, mon premier patron. Oui. Et en plus, je suis très satisfait par rapport aux ipronistes qui m'ont envoyé les représenter, parce que d'ici la législature, le parti UPRONA a été plus stable que jamais vu dans le passé. Donc le parti UPRONA ne se lamente pas par rapport à sa représentation au sein du gouvernement burundais. Le parti UPRONA en tant que tel ne se lamente pas, mais il peut y avoir des uns et des autres qui pourraient se lamenter, parce que nous sommes désimés, on ne peut pas satisfaire tout le monde. Monsieur Gaston Sindimo, vous savez pas mal de choses, vous êtes au courant du système de gouvernance. Est-ce que, une petite question, est-ce que le pays a mal quelque part? Vous savez, le pays vient de loin. Nous sommes à une étape et nous voulons franchir cette étape pour aller à une autre étape. Donc, à l'étape où le pays se trouve aujourd'hui, est-ce que vous estimez que, en tant que vice-président de la République, vous estimez que vous avez une certaine responsabilité, une certaine part, vous avez joué votre rôle pour la vie du peuple burundais? Vous savez, le 20 août 2015, lors de notre nomination au poste du vice-président de la République, l'état de la situation qui prévalait à l'époque, vu la situation actuelle, je dis que j'ai accompli ma mission à 100%, sinon à 99,9%. Et voilà que le parti UPRONA, votre parti, vous a mis en avant pour le représenter à la présidentielle du 20 mai prochain. Vous avez quel programme, quel projet pour la société burundaise? Vous savez, le programme en soi, c'est un vaste chantier. Mais d'ores et déjà, nous vous disons, comme nous l'avons dit lors de notre dernière conférence de presse, nous nous sommes articulés sur plus ou moins 10 points que nous allons développer. D'abord, nous avons dit ce qui a été commenté par les uns les autres. Nous allons nous atteler à briser la paix de la population burundaise. Briser la paix du haut jusqu'au bas. Nous allons aussi cimenter l'unité des Burundais à travers plusieurs mécanismes établis par l'accord d'Arusha. Et en plus de cela, l'autre point qui nous allons nous attarder là-dessus, c'est en rapport avec le développement du pays. Vous savez, l'accord d'Arusha avait des étapes et avait aussi des échelonnements par rapport à la vie nationale. Aujourd'hui, nous avons vu la mise en place d'un gouvernement de transition, tout ça et patati patata. Aujourd'hui, il nous reste une phase décisive, une phase de la sévère. Maintenant, nous allons passer ce stade de la sévère pour aller au développement. Il y en a qui disent que l'accord d'Arusha n'est pas respecté aujourd'hui. C'est aussi votre point de vue. N'est pas respecté ou n'est pas respecté. Parce que si l'accord d'Arusha n'était pas respecté, comment est-ce que je pourrais être premier vice-président de la République? Je suis premier vice-président de la République parce que l'accord d'Arusha m'a donné cette chance d'être le premier vice-président de la République. Une dernière question avant de passer le micro à l'honorable Léon Sengenda-Koumana, candidat du parti Sawanya Frodebou. Qu'est-ce que vous pensez corriger par rapport à la législature en cours? Qu'est-ce que nous devons changer, c'est que quand je vous ai dit briser la paix, oui, c'est plusieurs choses. C'est-à-dire que briser la paix à la population et donner ce que la population a besoin. C'est plus philosophique parce que c'est l'ensemble de tout mon programme. Quand on brise la paix, c'est la sécurité et la paix. Quand vous parlez de briser la peur, où est-ce que cette peur se trouve justement? Les Burundais ont peur. Les Burundais ont peur de la population, du petit paysan jusqu'au grand, jusqu'au vice-président de la République. Tous nous avons peur. Comment briser la paix? Le jour où nous allons briser la paix, c'est que nous allons installer la paix de telle sorte qu'il n'y aura pas quelqu'un qui croit qu'il pourrait avoir des problématiques ou problèmes au niveau de son parcours. Et quand on brise la paix et on donne satisfaction, on donne aux besoins, la population, c'est que la population en a besoin. Donc, c'est l'ensemble de tout mon programme. Passons la parole à l'honorable Léon Sengenda-Koumana, candidat du Frodebou. Au moins, M. Sengenda-Koumana, votre dossier a été accepté par la commission électorale en tant que candidat présidentiable du parti. C'est déjà un pas, je crois. En quoi est-ce que votre candidature serait une valeur ajoutée pour le Burundi et les Burundais? Pourquoi est-ce que tu dis au moins? Au moins ma candidature a été acceptée. Vous aviez des doutes? Il y en a dont les dossiers ont été rejetés, n'est-ce pas, M. Sengenda-Koumana? Je m'en félicite. Alors, la valeur ajoutée. Vous savez, j'ai lu, j'ai écouté. Depuis la monarchie jusqu'à aujourd'hui, en passant par le colonialisme, en passant par les républiques, nous sommes dans une phase de la démocratisation de la société burundaise. Je m'interroge. Je m'interroge pourquoi? Parce que depuis... Vous avez lu, vous avez écouté, observé depuis... Oui, nous avons toujours eu des institutions, des gouvernements, des parlements, des présidents de la République, des premiers ministres, des vice-présidents, des députés, des sénateurs. Mais depuis lors, jusqu'à aujourd'hui, la situation du citoyen n'a pas encore changé. Depuis combien d'années? Ça se détériore même aujourd'hui. Ça se détériore même si je regarde les conditions de vie dans lesquelles le citoyen a évolué. Ce citoyen qui a, si nous parlons de l'histoire récente, qui s'est battu pour l'indépendance. Ce citoyen qui s'est battu pour l'avenir de la démocratie. Il y en a qui pourraient dire ce citoyen qui s'est battu pour les différentes réformes dont les corps de défense et de sécurité, la justice, l'administration, restent toujours exposés à la mort, à l'exil et à la prison. Il a déjà perdu confiance, même à lui-même. Il a perdu confiance dans son entourage et dans les institutions. Donc, la valeur ajoutée... Il a peur, comme le dit le représentant du parti prenant. C'est au-delà, si c'était uniquement la peur, oui, mais il est dépourvu de tout. Alors, quelle est la valeur ajoutée? La valeur ajoutée pour le Frodebou, c'est de réhabiliter le citoyen burundais. Nous allons œuvrer pour que le citoyen burundais soit réhabilité. Réhabilité à travers la recherche de la vérité avec objectivité. à travers... Vérité sur c'est tout ce que nous avons vécu, c'est l'histoire de notre pays. Parce que la vérité a trop manqué dans ce pays. Alors, sur la gouvernance, vous savez, il y a la gouvernance politique, la gouvernance démocratique, la gouvernance administrative, économique et sociale. Toute cette panoplie de gouvernance, aujourd'hui, connaît énormément de problèmes dans ce pays. Ça, tout le monde le dit. Alors, ce qui a manqué aussi, pour que le citoyen ne soit pas libre... Malgré tout ce qu'il a fait. C'est une question que j'allais peut-être poser. Où est-ce que le pays souffre et quels remèdes comptez-vous apporter? En d'autres mots, votre projet de société, comme j'ai posé la question au premier vice-président de la République, candidat du parti UPRONA, Gaston Sinimo. Où est-ce que le pays souffre? Contrairement au vice-président de la République, et c'est tout à fait normal qu'ils disent que tout va bien. Je n'ai vu au monde qu'un régime qui disait que ça ne marche pas. Même les régimes issus des coups d'État militaires. Quand vous voulez reposer la question, si comment ça vous dites que ça marche. On n'a pas dit que ça marche très bien. On n'a pas dit que tout va bien, mais nous avons fait ce que nous devons faire et que nous aimerions améliorer ce qui a été fait. Mais le pas est déjà franchi. D'accord. Alors, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau socio-culturel, il y a franchement, comme il le dit, un pas à faire. Il faut rebondir sur base de l'accord d'Arusha. L'accord d'Arusha est incontournable comme fondement de la paix et de la sécurité au Burundi, comme fondement de la démocratie et de la bonne gouvernance, comme fondement de l'unité et de la cohésion du peuple burundais, comme fondement du développement intégré. Donc, il faut réhabiliter le citoyen à travers la réhabilitation de l'accord d'Arusha. Réhabilitation de l'accord d'Arusha, mais il y a Gaston Sinimo qui dit que n'eût été l'accord d'Arusha, il n'aurait pas été à la place où il est aujourd'hui. C'est vrai. Quand nous avons négocié l'accord d'Arusha, nous avons conclu 4 protocoles. Un protocole sur la recherche de la vérité sur ce pays, la nature du conflit burundais. Mais il y a un deuxième protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance. Un troisième protocole sur la sécurité pour tous. Et un quatrième protocole pour la reconstruction du pays. Alors, le premier protocole n'a pas encore été mis en œuvre jusqu'à aujourd'hui. Il parle de la sévère. Il n'y a pas de sévère aujourd'hui au Burundi. Comment ? Il n'y en a pas. Je peux le démontrer. La commission vérité et réconciliation est à l'œuvre. Il y a quelque chose qui ressemble à cela. Mais la commission, telle qu'est convenue par tous les acteurs burundais, les institutions, les partis politiques et les mouvements politiques armés, nous sommes convenus d'une démarche. Plus tard, le gouvernement du Burundi, en négociation avec les Nations Unies, nous avons renforcé cette démarche. Un peu plus tard, il y a eu des consultations populaires. Cette démarche a été... Chacun sera renforcé. Mais la commission qui est en place n'est pas conforme ni à l'accord d'Arusha, ni à l'accord tripartite entre le gouvernement du Burundi, l'ONU et les consultations populaires, les consultations nationales. Non plus, cet accord d'Arusha ne se réfère pas sur le chemin vérité, justice et réconciliation. Aujourd'hui, cette commission se réfère sur vérité, pardon ou quelque chose comme ça, mais c'est une sorte d'amnistie voilée, cachée, dedans. Comment ? Des conciliations. Je le vois, je ne suis pas un enfant. Alors, la valeur ajoutée, c'est ça, la réhabilitation du citoyen à travers beaucoup de programmes. Parce que le citoyen dont je parle ici, ce n'est pas Ngendakumana, ce n'est pas vous, ce n'est pas son excellence ici, c'est tous ces Burundais qui constituent le pilier de du développement et de réconciliation de ce pays, à qui on a refusé la parole, les agriculteurs, les éleveurs, les enseignants, les juges et les magistrats, les hommes d'affaires, le policier, le militaire. Finalement, je peux allonger la liste. Finalement, qui a la parole? Une poignée de gens qui monopolisent toute la richesse du pays. Ce sont ceux-là qui ont la parole. Une question que je vais aussi poser au candidat de l'UPRONA. Un peu de détails. Qu'est-ce que vous prévoyez au niveau de la gouvernance, dans les domaines politiques, économiques, sociaux, éducation, santé, sécurité, etc., on évoque peut-être que quelques domaines. Écoutez, tout cela, je ne suis pas sûr si je serai à mesure de développer tout notre programme électoral ici, parce que tout ce que vous venez de me poser comme question concerne notre programme au niveau politique, notre programme au niveau économique, notre programme au niveau social, notre programme au niveau au niveau culturel. Nous, au niveau politique, je vous ai dit qu'il y a d'abord la réhabilitation du citoyen. Si le citoyen est réhabilité, nous allons nous dire la vérité. Mais s'il n'est pas réhabilité, il est très difficile que la vérité soit s'étale au grand jour. Si le citoyen reste dans les conditions où il est aujourd'hui, dans la situation où il est aujourd'hui, il ne peut pas révéler la vérité. Après ça, nous allons remettre le Burundi sur le chemin de la démocratie, à renforcer l'école de la démocratie dans ce pays. Et renforcer l'école de la démocratie, ça veut dire renforcer l'organisation et le fonctionnement des partis politiques. Les partis politiques aujourd'hui fonctionnent sous l'autorité du ministère de l'Intérieur, alors que la Constitution interdit l'ingérence des pouvoirs publics dans l'organisation et la gestion des partis politiques. Mais aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est le contraire. Renforcer la démocratie, l'école de la démocratie, c'est renforcer la société civile. Renforcer la démocratie, c'est renforcer les médias. Renforcer la démocratie, c'est renforcer le fait que pour accéder au pouvoir, le gérer et le quitter, il faut passer par les élections. Voilà, nous avons des propositions pour renforcer cela. Et lorsque l'école de la démocratie sera renforcée, ça veut dire que le citoyen saura, il va être aujourd'hui, il n'est pas informé sur ses droits, il n'est pas informé sur ses valeurs, ses devoirs. Je te dis qu'il se considère comme abandonné par tout. Alors, il va connaître quels sont ses droits constitutionnels, quels sont ses devoirs, et de là, il pourra résister lui-même aux mesures illégales, injustes et arbitraires qui sont prises à son encontre par les pouvoirs publics. Résister ? Il va résister et même se révolter contre ces mesures. Ce que je dis, ça sera... Vous allez appeler à la révolte ? Ce que je suis en train de dire, ça sera quand nous aurons gagné les élections. Ça sera sur le pouvoir Frodebo. Je ne pourrai pas révolter le citoyen contre le pouvoir Frodebo. Mais il doit jouir de ses droits d'élire. D'abord de faire un choix d'un candidat qui lui plaît, sérénement. N'est-ce pas ce qui se fait aujourd'hui? Et c'est ça qui se fait. Aujourd'hui, les élections se préparent et s'organisent et dans la discrétion pour certains, comme le Frodebo. Et parfois même, on observe des intimidations, l'intolérance sur le terrain. Je vais poser la même question. On le voit. Bon, de toute façon, je ne faisais que parler du volet politique. Donc, puisque vous faites comme ça, il y a ce renforcement de l'école de la démocratie. Et dans vous, allez peut-être y revenir. On va parler des forces de défense et de sécurité, on va parler de la justice, on va parler de l'administration, on va parler des relations entre le Burundi et ses partenaires. Vous aurez de nouveau la parole. Monsieur Gaston Sindimo, qu'est-ce que vous prévoyez au niveau de la gouvernance? C'est la même question. Au niveau de la gouvernance, dans les domaines politiques, économique, sociale, éducation, santé, sécurité. C'est la même question que j'ai posée tout à l'heure. Bon, merci de la question, mais je vais revenir en arrière à ce qui concerne la Sévère. Je viens tout juste de Machitsi tout de suite. Machitsi en province de Gitega. En province de Gitega, où on a déterré les morts. Alors, avec ça, il y a un problème. Avec l'accord d'Arusha, c'était stipulé que 30 jours après la mise en application de l'accord d'Arusha, on devait mettre en place la Sévère pour que les institutions qui seront ici soient des institutions propres. Alors aujourd'hui, si le président de la République a mis la Sévère, c'est parce que ceux qui ont été devant lui ne l'ont pas fait. À commencer par peut-être nous les ipronistes qui pilotaient la transition, le Frodebo qui a pris le rêve. Le Frodebo et l'Iprona étaient aux commandes. Je suis d'accord. Aujourd'hui, nous avons fait ce que nous devons faire. Au moins, nous avons mis en place la CV. Quoi qu'il en soit, nous y travaillons. Alors, revenons sur l'autre question que tu me poses. C'est qu'aujourd'hui, le parti Iprona, nous allons aux élections sous le slogan Ego Birashoboka. Oui, c'est possible. C'est possible qu'il y ait un changement pacifique, idéal dans son pays et qu'il soit à l'abri de la peur et du besoin. Un pays qui respecte ses valeurs, qui a une vision, un pays émergent. Ainsi, notre programme s'articule autour de plus ou moins 11 propositions qui sont les suivantes. La bonne gouvernance politique, économique et financière et sociale en vue d'une gestion rationnelle des finances publiques. Dans notre gouvernement, nous ferons en sorte que toutes les provinces aient un représentant au niveau du gouvernement. En plus, nous allons faire la parité hommes et femmes au niveau du gouvernement. Nous allons l'instaurer. Les handicapés et les battois seront représentés à mon gouvernement. Nous assurerons une distinction des postes politiques et des postes techniques, ce qui n'est pas le cas. Il y a la gratuité de l'école jusqu'à 16 ans, une réforme de qualité, construction des écoles et les équipements, sans oublier l'intéressement des enseignants. Au niveau de la santé, il y a la construction des centres de santé, là où c'est nécessaire, fournir du personnel compétent, bien équipé, rémunéré et surtout mettre les médicaments en suffisance. Vous savez, aujourd'hui, plusieurs Burundais vont dans les pays limitrophes pour se faire soigner. Nous allons briser aussi ça. L'autre chose, c'est que le système, le développement du système adapté au transport, c'est-à-dire qu'un programme d'aménagement du territoire, accès de tous les Burundais à l'eau et au logement. Les réformes institutionnelles audacieuses qui aboutiront à la démocratie fondée sur l'équilibre des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires indépendants, sans oublier la liberté de presse, envie de sortir le Burundi de la paix. La lutte résolue contre la corruption et la fraude dans les affaires publiques, envie de bâtir une société burundaise du mérite et d'excellence. La mise en place des conditions d'une justice indépendante, impartiale, envie d'une réconciliation nationale nécessaire au développement. La décentralisation effective et dotation de collectivités locales des moyens d'agir. Oui, c'est possible. Neuf, le lancement du programme de grands travaux et investissements publics et privés, envie d'accélérer la croissance économique, développer l'emploi et promouvoir les secteurs promoteurs tels que l'agriculture, l'élevage, la pêche, l'industrie, l'agro-industrie, le tourisme et varié. Associer la société civile à la réflexion et à la prise de décision pour mettre en place des réformes nécessaires à travers des concertations touchant tous les grands secteurs, éducation, santé et sécurité. Garantir la gratuité des soins de santé aux retraités et leur pension sera élevée à 75% de leur dernier salaire. Voilà en quelques mots ce que nous allons développer dans notre projet de société. La pension à 75% de leur dernier salaire, c'est un vaste programme. Je n'ai peut-être retenu que quelques points, mais 75% de leur dernier salaire, est-ce que c'est possible de... C'est très possible. C'est très possible parce que nous le voyons ailleurs. Et d'ailleurs, il y a ici ceux qui le font, parce qu'il y a ceux qui sont à l'INSS et d'autres qui sont au NPR. Quand on voit la rémunération de l'ONPR, de l'INSS, c'est différent. Donc, nous devons mettre les mécanismes. Parce que vous savez ici, aller à la retraite, ça veut dire aller à la mort. Alors que vous avez travaillé pour le pays, nous devons mettre en place un fonds pour permettre les gens qui ont travaillé pour l'État ne puissent pas mourir comme ça. Donc, exactement, nous allons aussi faire initier. Je vois les anciens présidents, les anciens ministres qui ont ici les couleurs nationales dans les conseils de nations. Allez voir comment ils se promènent dans la rue. Comment mettre en place ces mécanismes de pouvoir honorer les gens qui ont travaillé pour la République. Et vous avez aussi dit tantôt que dans votre gouvernement, chaque province aura un représentant. Nous avons aujourd'hui 18 provinces. Comment est-ce que c'est possible? Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si ce sont toutes les provinces qui sont représentées dans le gouvernement. Bon, je vous dis, ce n'est pas toutes, mais je vous dis, c'est mon projet. Le jour où les Burundais trouveront qu'ils pourront me donner ces voix, je le ferai les yeux fermés parce que c'est facile. Avoir 30 ministres, ça vous coûte combien? Pourvu que la bonne gouvernance, la répartition du gâteau national soit bien gérée. Donc, pour mettre en place 30 ministres, c'est rien par rapport à cette stabilité politique. Justement, il y a risque que le gouvernement soit composé par beaucoup, beaucoup de membres. Ça, c'est pas un problème. Par rapport à aujourd'hui. Ça, c'est notre programme. Je vous dis, par exemple, moi, j'étais le chef de cabinet du premier vice-président de la République. Quand je suis arrivé là-bas, à la première vice-présidence, les cadres de la première vice-présidence, c'était au moins trois provinces. Mais dès que je suis arrivé là, toutes les provinces ont été représentées. C'est un exemple que je te donne, que c'est possible. Est-ce que aussi. Ça s'est vérifié? Si tu veux vérifier, tu peux vérifier. Tu peux aller vérifier, tu peux demander si je l'ai fait, et on l'a fait. Et vous parlez aussi de lutte contre la corruption, mettre en avant la liberté de la presse, la gratuité des soins de santé. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans la lutte contre la corruption dans la liberté de la presse, la justice aussi, vous l'avez évoqué. Vous savez, un pays où la justice a des difficultés, c'est un pays qui a des problèmes. Tous ces problèmes que nous avons. Moi, en tant que vice-président de la République, j'observe des choses difficiles, mais c'est de cette expérience que je me sens responsable de redonner l'image de la justice pour que la justice soit une justice des justiciables et une justice pour les pauvres et pour les petits. Parce que je vois des gens qui ont des problèmes où un jugement a été rendu, régulièrement rendu, mais l'exécution devient difficile. Mais je vois même par ailleurs, là où le juge a déjà statué, mais qu'on refuse de mettre en application. Donc il y a d'autres forces qui pèsent sur cela. C'est cela que nous devons faire dégager pour que la situation au niveau de la justice, parce que nous devons les rémunérer. Nous avons dit, il faut rémunérer les juges pour que les juges ne soient pas tentés à la corruption. Donc nous avons des mécanismes nécessaires pour le faire et nous allons y faire. Je vais peut-être poser, ce sera une continuité de cette question à Léon Senghedakoumana, mais avant que je ne lui passe le micro, s'il advenait que Gaston Sindimo soit élu comme président en 2020, le 20 mai, quelle serait l'image que vous vous faites pour le pays 7 ans après? Parce que le président aura un mandat de 7 ans. Quelle serait l'image que vous faites pour le pays 7 ans après? Avec quelles priorités? C'est tout un grand programme. Bon, je vous dis, quand vous dites après 7 ans, après 7 ans, le Burundi sera en paradis. 2027. Le Burundi aura changé positivement. Changé complètement et positivement. D'abord, la prise du pouvoir, seulement le jour de la prise du pouvoir, ça sera le début du changement. D'abord, un civil qui n'est pas sorti de la caserne ou qui n'est pas sorti de la rébellion, prenne le pouvoir sans problème. Ça sera un boom au pays. Donc ça sera... Quelqu'un encore qui est natif de la mairie, c'est encore miracle aussi. Donc tout ça ça va influencer le changement positif et surtout l'image de la nation au niveau du concert de la nation. Donc tout cela nous donne la chance et le privilège de pouvoir piloter le pays. Je vais passer le micro à Léon Senghedakoumana, candidat du parti Savanya Frodebou. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter par rapport au système de gouvernance et si c'était vous dans les domaines politiques, économiques et sociaux, etc. Et la même question que je viens de poser, s'il advenait que Léon Senghedakoumana soit élu comme président en 2020, l'image que vous faites pour le pays 7 ans après. Ce sont 2 questions. D'abord, au niveau de ce que vous appelez gouvernance, c'est tout notre programme électoral, je l'ai dit. Et pour bien comprendre ça, il faut comprendre la philosophie du parti Savanya Frodebou. Il faut comprendre les fondements du parti Savanya Frodebou. Il y a sa vision qui est contenue dans son projet de société. Ça se résume comme suit. Instaurer au Burundi un état de droit. Ça veut dire un état qui est basé dans son fonctionnement, qui est basé sur les lois. Pas n'importe quelles lois. Même aujourd'hui, il y a des lois. Oui. Les lois qui font respecter le citoyen, le peuple, et pas les lois qui font respecter uniquement le dirigeant. Donc, un état de droit. Ensuite, un état démocratique où les partis politiques existent, fonctionnent comme il faut et compétitionnent sur base, sur fond des programmes et pas sur base de la démagogie ou du mensonge. Sur base des programmes écrits et exécutés. Un état... Démagogie, mensonge, il ne faudrait pas exagérer. Je n'exagère pas, c'est ce qu'ils ont fait. Mais c'est pas uniquement, je te dis que je pars des régimes monarchiques jusqu'à aujourd'hui. J'observe, je lis, j'écoute et je vois. Alors, ça veut dire que le Frodebou veut instaurer au Burundi, en résumé, une société juste et équitable. Voilà la synthèse. Alors, maintenant, il faut aussi comprendre les acquis que nous avons dans ce combat. Nous nous sommes battus pour qu'il y ait au Burundi une démocratie basée sur le multipartisme, une démocratie multipartite. Aujourd'hui, au Burundi, on a à peu près 36 partis. On parle de 36 partis parce qu'il y a d'autres partis qu'on a suspendus. On parlait de 35, je crois. Il y a un autre qui est né après. Alors, disons 35. Mais en réalité, il y a plus de 40 parce que ces partis, même qu'on a rayés de la liste, ils continuent à travailler, malheureusement, aujourd'hui, clandestinement. Ça, c'est sûr. Il y a des partis qui travaillent clandestinement. Ça, c'est très sûr. C'est qu'on a rien de la liste des partis politiques. Vous pensez qu'ils sont disparus comme ça dans la nature. Ils continuent à travailler dans la clandestinité. Alors, les partis sont là. Ils ne fonctionnent pas comme il faut, mais les partis sont là. Premier pilier de la démocratie. Le deuxième pilier de la démocratie, je l'ai dit, c'est la société civile. La société civile est bel et bien là. Elle ne fonctionne pas comme nous le voulons, mais elle est là. Le troisième pilier, ce sont les médias. Quand nous avons créé le Frodebout, il y avait un seul média, la RTNB. Hein? Mais aujourd'hui, on a combien de radios? Ceux qui sont à l'extérieur, ceux qui sont à l'intérieur et ceux qui sont à l'extérieur. Il y a beaucoup de radios, il y a beaucoup de journaux, il y a beaucoup de voies de communication. Et non, mais maintenant, le citoyen est libre de parler ici, d'écouter là-bas. Les médias existent. Ils ne fonctionnent pas comme nous le voulons, mais les médias existent. Je vous ai dit aussi que pour accéder et j'ai le pouvoir, il faut passer par les élections. Voilà les acquis. Nous avons déjà des acquis. Il y a eu beaucoup de réformes au niveau des corps de défense et de sécurité, au niveau de la justice, au niveau de l'administration, au niveau économique, au niveau social. Ça, ce sont des acquis de la démocratie. Nous, aujourd'hui, alors, pour comprendre l'esprit de notre programme, ce n'est pas comme les autres partis qui se battent pour avoir un député, pour avoir un sénateur, pour avoir un gouverneur, pour avoir un ministre ou pour avoir même un chef d'État. C'est d'abord nous battre pour que ces acquis soient sauvegardés. Parce qu'il y a des risques qu'on retourne en arrière. Si on continue dans le système politique que nous avons aujourd'hui. Nous sommes en train de nous battre en fait pour sauvegarder cela. Ces acquis. Alors, ceci est bâti sur ce que nous avons manqué. Je t'ai dit, les programmes ici, il y en a. Prenez l'accord d'Arusha. Prenez les acquis de l'accord d'Arusha. Il y a des programmes de développement qui n'ont pas été exécutés, ceux qui sont en cours, comme la CCLP. Comme la stratégie nationale de lutte contre la corruption, la stratégie de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption. Aujourd'hui, on parle même du programme national de développement pour 10 ans au niveau du gouvernement. Oui. Tous ce sont des programmes qui ont été élaborés, préparés par les gouvernements avec le parrainage de la communauté internationale. On n'aura pas mieux. Moi, quand je le dis aux gens, on n'aura pas mieux. Ce qu'on manque aujourd'hui, ce sont des institutions. Ce sont des hommes et des femmes qui mettent en avant. Mais les institutions, il y en a. Qui mettent en avant, il faut d'abord que je termine la phrase, qui mettent en avant l'intérêt du peuple burundais et non pas l'intérêt du seul dirigeant. Aujourd'hui, les intérêts qui sont défendus par les institutions, allez voir l'Assemblée nationale, le Sénat, on défend uniquement les intérêts de ceux qui les ont donné le pouvoir, le poste qu'ils occupent. Le Parlement est devenu une caisse de résonance du gouvernement, de l'exécutif. Je ne sais pas si vous le savez. La justice reste inféodée au pouvoir. La justice reste inféodée au pouvoir. Nous avons beaucoup de signaux. L'administration de même. Il y a les corps de défense et de sécurité, la magistrature, l'administration sont tous politisés et parfois même ethnisés. Allez voir. Et parfois même ethnisés. Ça veut dire que nous devons corriger toutes ces tares. Nous devons tout. Mais vous dites que c'est politisé et ethnisé, c'est beaucoup de choses. On le voit aujourd'hui. Depuis comment est-ce que vous estimez faire mieux, vous? Nous, les hommes, les femmes, ils ont de leur ethnie, n'est-ce pas? Pour faire tout cela, je le résume en trois mots. Je l'avais dit, c'est pour renforcer ce que j'ai dit, il faut que le citoyen soit réhabilité. Ça, c'est la première chose. Et nous avons toute une série d'actions pour, quand j'ai parlé de former le citoyen pour qu'il soit libre, pour qu'il puisse se révolter contre les injustices. Vous avez semblé ne pas comprendre, mais on le fera. On donnera la liberté au citoyen de manifester s'il a élu un député, par exemple, s'il a élu un administrateur communal, s'il a élu un sénateur et qu'il se méconduit, qu'il se comporte de manière à ne pas défendre ses intérêts, qu'il a le droit de le limoger. Le citoyen a le droit d'élire son représentant, mais il doit avoir également le droit de le limoger. Il y a des mécanismes, on va les faire fonctionner. Deux, je l'ai dit, c'est l'établissement de la vérité et la réconciliation effective du peuple burundais à travers la mise en place des mécanismes de la justice transitionnelle conformément au prescrit de l'accord d'Arusha, à l'accord tripartite gouvernement, Nations Unies, consultation, société civile et consultation populaire. Et troisièmement, à mettre en place des institutions et des dirigeants qui pensent réellement à la nation, qui ne pensent pas à eux-mêmes, à un enrichissement illicite, à un règlement de compte, Tous les tards qu'on voit, nous avons des programmes. Il y a Gaston Sindimo qui dit que s'il est élu, d'ici 7 ans, le Burundi sera un paradis. Est-ce que vous allez dire mieux? Je n'aurais pas mieux. Parce qu'avoir un paradis ici, ce n'est pas si évident que ça. Et moi, je suis le candidat du parti Frodebo. Ce que nous allons réaliser, ce n'est pas moi, c'est le parti. Moi, je ne suis qu'un mandataire. C'est comme un mandataire, un ministre, un mandataire, un gouverneur. Je suis un mandataire. Alors, ce que nous allons, ce n'est pas le Frodebo qui va le faire. Le Frodebo, aujourd'hui, pendant la campagne électorale, va faire des propositions. Hein? De redressement de cette situation politique, de cette situation économique et de cette situation socioculturelle. Nous avons des propositions. Mais ce qui va réaliser le programme gouvernemental, ce n'est pas le parti. Il ne faut pas que cette confusion entre l'État et le parti qu'on observe aujourd'hui se poursuive quand le Frodebo sera au pouvoir. C'est le gouvernement mis en place par le Frodebo et d'autres partenaires qui auront participé aux élections qui vont exécuter des programmes de développement, de réconciliation, de ce n'est pas le Frodebo. Moi, ça me surprend quand j'entends un parti dire je vais faire ça, je vais faire ça, je vais réaliser ça. Avec quoi? Avec quels moyens? Mais le gouvernement va réaliser cela avec les moyens de l'État, avec les moyens qu'on trouve chez nos partenaires. Ça, c'est le gouvernement. Là, on va y arriver bientôt. Il dit aussi que s'il est élu, chaque province sera représentée au sein du gouvernement. Même chose? Non, le Frodebo ne fera pas ça. Mm-hmm. Si le Frodebo est élu en 2027, oui. Soyez sûr et certain, il y a déjà je te parlais déjà des acquis. Maintenant, tout le monde parle de la démocratie et de la bonne gouvernance. Mmh. Parler du respect des droits de l'homme. Hein? En 2027, il faut être sûr qu'on aura un Burundi digne. Le Burundi n'est pas digne aujourd'hui. On aura un Burundi apaisé. Le Burundi n'est pas apaisé. On aura un Burundi uni. Le Burundi n'est pas uni aujourd'hui. On aura un Burundi réconcilié. Il n'est pas réconcilié aujourd'hui. On aura un Burundi prospère. Il n'est pas prospère aujourd'hui. Allez voir les chiffres au niveau. Alors, une petite question avant de passer encore Pour résumer tout ce qu'il vient de dire, c'est le paradis. c'est aussi un paradis. C'est le résumé de ce qu'il vient de dire. Et si c'est cela, ok. Monsieur Léon Senghedakoumana, qui dit projet de société dit aussi moyens financiers. Vous estimez que les sources de revenus seront lesquelles? Pour le parti français, pour le pays? Je vous ai dit que c'est pas le Frodebo. Il ne faut pas demander ces moyens au Frodebo. Ça sera les moyens de l'État qui proviennent de diverses activités de l'État. Nous préconisons par exemple pour augmenter la production. Nous préconisons, la première chose, c'est de lutter contre les pratiques de corruption. Lutter contre les pratiques de détournement des deniers publics et les malversations économiques et financières de manière impunie. Aujourd'hui, les gens volent le patrimoine de l'État au grand jour. Ça, c'est la première mesure qu'il faudra prendre. La deuxième mesure, ça sera de développer l'agriculture et l'élevage. En fait, aujourd'hui, le fondement de l'économie du Burundi, jusqu'à 40%, c'est l'agriculture et l'élevage. Aujourd'hui, la population vit à 90% de l'agriculture et de l'élevage. Il faudra consolider ce secteur. Il y a beaucoup de mesures que nous allons prendre, notamment la gestion foncière, la gestion des mines, la gestion des mines et carrières, le tourisme, les investissements, la gestion. Il faut aussi la maîtrise de la croissance démographique. Parce qu'aujourd'hui au Burundi, la croissance économique et la croissance démographique sont opposées. La croissance démographique va très rapidement alors que la croissance économique stagne. Alors, par exemple, là, nous allons prendre des mesures dans tous ces secteurs pour augmenter la production et comme ça lutter contre le chômage, lutter contre la pauvreté. On devra prendre des mesures aussi pour restituer à l'État ce qui lui a été volé par certains mandataires. Et au niveau politique, nous allons immédiatement mettre en place la haute cour de justice que le gouvernement actuel n'a pas pu mettre en place pour protéger les hauts cadres de l'État qui pillent l'État. Et qu'est-ce que vous allez dire des impôts? Ah là, c'est... Merci beaucoup. Merci beaucoup. La question d'impôts et des taxes sera un impératif, une priorité. Pourquoi? Parce que le pouvoir public, je ne parle pas du gouvernement uniquement, le pouvoir public collecte des impôts collectent des taxes, mais c'est pour eux-mêmes, ce n'est pas pour relever la situation socio-économique des citoyens. Et pour preuve, regardez les routes de la mairie de Bujumbura. Hein, et comptabiliser les impôts qui sont payés ici, les taxes qui sont ramassées ici, et regardez l'état de ces routes. Regardez, la ville n'est pas protégée. La ville de Bujumbura, la mairie de Bujumbura n'est pas protégée. Et alors, ça veut dire que nous allons mettre un accent particulier dans la lutte contre la fraude, ce que j'ai appelé détournement, etc., etc. Un accent particulier pour empêcher ces enrichissements illicites et consacrer les taxes et les impôts collectés au développement du citoyen, au développement du pays. Ça, c'est très clair. C'est la même question à vous, M. Gaston Sindimo, candidat du parti UPRONA, qui dit projet de société, dit aussi moyens financiers. C'est la même question. Vous estimez que les sources seront tirées d'où? Bon, le Burundi est riche. Quand je vois la superficie du Burundi et quand je vois les ressources qui gorgent le Burundi, nous avons les stratégies et les moyens de faire avoir l'argent qu'il faut pour soutenir tout ce programme que nous avons énuméré ici. Je vous donne un exemple. À l'époque, on avait des avions qui purifiaient les champs. Oui. On n'avait pas l'or, on n'avait pas terre rare, on n'avait pas coltan, on n'avait pas ceci ou cela, mais on en avait. Où est-ce que ces Burundais de ce temps tiraient ces moyens-là? Donc, les minéraux. Nous avons tout un arsenal stratégique de pouvoir récolter les moyens qu'il faut pour exercer ou mettre en application nos programmes. Nous n'allons pas les divulguer tout de suite, mais nous en avons. Soyez-en sûrs, vous allez voir comment les mettre en application. Il y a un autre programme que je n'ai pas pu arriver. Il y a un problème qu'au Burundi, l'emprisonnement devient un principe. Nous allons faire tout pour que, au Burundi, l'emprisonnement soit une exception. Je vois quelques gens, on emprisonne c'est le principe, et on dit qu'on emprisonne tel pour des réseaux d'enquête. Oui. Cela, au gouvernement de l'IPRONA, ça n'existera pas. Deuxième chose, quand on dit les travaux de développement économique, nous comptons faire Bujumbura, mairie, une ville zone libre. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance, on veut construire une zone libre tout juste à côté de Gatumba. Mais ça prend beaucoup de temps. Pourquoi ne pas transformer la mairie en zone libre? Toute la mairie, on peut le faire. Et faire toute la mairie en zone libre et nous avançons sans problème. Nous allons tous... Bujumbura va rester toujours la capitale économique. Gitega, la capitale politique. Ça, on vous le dira au moment où nous allons prendre le pouvoir. Mais nous vous promettons en Burundi un paradis au Burundi. Et une autre question. L'UPRONA a été battu par le Frodebu en 1993. Vous étiez là. Quelle stratégie aujourd'hui pour gagner les élections ou tout au moins battre le Frodebu représenté ici par Léon Senghenakoumane? Vous savez, en 1993, j'étais fonctionnaire au parti UPRONA et j'ai participé, pas directement, à la campagne. Oui. Parce que le parti UPRONA, c'était un parti de bourgeois, un parti d'élite, un parti des gens cravatés, c'était ça. Tandis que le Frodebu, qui avait des ramifications fortes au niveau de la base. Et le Frodebu, l'UPRONA ne le savait pas. Vous savez, l'UPRONA a été miné par deux options ou des paramètres, je vous dis. Si vous dites que c'est le Frodebu qui a gagné les élections, ce n'est pas le Frodebu seulement. En 1993, il y a impératif le Paripautu FNL qui devrait rentrer au pays. Vous savez, en 1991, il y a eu crise. Ils ont voulu créer le parti. Le gouvernement UPRONA a refusé. Et quand vous refusez à des gens, ils trouvent d'autres mécanismes. Oui. Il y avait aussi Bagaza Jean-Baptiste qui devrait rentrer au pays, mais le président qui était là refusait qu'il rentre. Tous ces gens, de près ou de loin, ils ont voté un changement pour que cette fois-ci, Bagaza rentre au pays et le Paripautu FNL puisse entrer aussi. Ce qui a été fait, le Frodebu a eu la chance d'avoir toutes ces combinaisons pour pouvoir gagner les élections. Une autre chose que nous allons dire pour dire le parti UPRONA, nous voulons mettre la vie, le chrono à zéro pour tout ce qui s'est passé au Burundi aujourd'hui. Le parti prenant, nous avons un programme de mettre le chrono à zéro pour que les Burundais sachent de quoi. Pour décoller ensemble. Mmh. Parce que les Tutsis ont été assassinés, les Hutus ont été assassinés, injustement si vous voulez, mais de ceux qui sont morts aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils nous apportent, nous, ceux qui sont les vivants? Nous aimerions que la CVR nous trace une lecture commune de l'histoire du Burundi, et puis avec cette lecture commune, on va à l'église, on va prier pour les morts et on va demander Dieu pour qu'il ait les rames au ciel. Mmh. Et tandis qu'il nous donne la bénédiction pour que les vivants ne puissent plus tomber dans les erreurs commises par nos grands frères. Mmh. C'est la même question à vous, Léon Sengedakumana, candidat du parti Frodebu. C'est quoi la stratégie que vous avez au sein du Frodebu pour gagner la présidentielle ou tout au moins battre l'UPRONA représenté ici par Gaston Sindimo? Ce n'est pas le sens de notre combat. De battre Gaston ou de battre qui que ce soit. Mais vous êtes à 6 aujourd'hui, vous êtes à 6, les candidats pour la présidentielle. Je vous ai déjà indiqué, si vous avez oublié cela, que le Frodebu a déjà gagné. C'était d'instaurer au Burundi une société juste et équitable, matérialisée par un état de droit, un état démocratique. Nous allons poursuivre la même stratégie pour renforcer l'état de droit, pour renforcer l'état démocratique, pour établir effectivement au Burundi une société juste et équitable. Ça sera à travers toute une série d'actions au niveau politique. Il y a des mesures qui seront prises. Au niveau économique, il y a des mesures qui seront prises. Au niveau social, au niveau de l'éducation, la santé, le travail, il y a des décisions qui seront prises. Mais ici, ce que probablement j'ai oublié de dire, c'est que nous allons réhabiliter aussi l'autorité de l'État. Aujourd'hui, depuis le président de la République et au chef de colline, l'autorité de l'État n'est pas respectée. Si l'autorité de l'État n'est pas respectée, croyez-moi, c'est du désordre, c'est de l'anarchie. L'autorité de l'État n'est pas respectée comment? Allez-y, comment? Je vous dis que l'autorité de l'État, aujourd'hui, il y a une qui s'amuse à prendre comme ça, à la légère, le président de la République. Ils oublient que c'est une institution, le vice-président de la République, le ministre, le député, le sénateur, le gouverneur, on les prend comme ça. Mais aujourd'hui, il y a même une superposition entre le parti au pouvoir et l'administration, par exemple. C'est le parti au pouvoir, les jeunes du parti qui sont au-dessus de l'administration, au niveau des même au niveau de la province. Et allez, je pense même qu'au niveau des ministères, ça peut, je n'ai pas encore vérifié, mais c'est maintenant le parti qui est au-dessus de tout. Et ça sera inacceptable pour le gouvernement du Frodebu. Mmh. L'ingérence des pouvoirs publics dans la gestion et l'organisation, dans la gestion des partis politiques sera supprimée automatiquement. Parce que ça, c'est un handicap aussi, c'est pour empêcher les partis politiques de s'organiser et réussir la mise en œuvre de leur programme. Et nous allons beaucoup mettre un accent particulier sur la lutte contre le chômage, la lutte contre la pauvreté. Et un accent particulier sera mis sur les jeunes et les femmes. Parce qu'aujourd'hui, le Burundi compte plus de 60% de jeunes, une population jeune. Et au niveau du chômage, 65% des chômeurs sont des jeunes et des femmes. Mais c'est un danger pour la nation. On devra mettre un accent particulier sur ces deux catégories, notamment en introduisant dans le budget de l'État de nouvelles rubriques qui vont appuyer les initiatives de ces jeunes et de ces femmes, pas devoir passer par ce qu'on va appeler aujourd'hui le forum, pas devoir passer à ce qu'on appelle aujourd'hui des banques pour les jeunes, mais on mettra des rubriques spécifiques dans le budget général de l'État et dans les budgets communaux. Par exemple, 20% du budget communal sera consacré aux projets initiés par les jeunes. Au projet initié par les femmes. Alors comme ça sera direct, on ne devrait pas passer par un autre intermédiaire qui consomme cela avant qu'on en arrive chez cette catégorie-là. Nous tendons vers la fin de l'émission. Vous êtes candidat parmi plusieurs, ils sont à 6, vous êtes à 6 aujourd'hui, à la course pour le fauteuil présidentiel. Seriez-vous prêt, M. Léon Sengedakumana, après le 20 mai prochain, à accepter les résultats des urnes, quel qu'il soit? Alors, je dois préciser quelque chose ici. Vous allez être élu ou pas? Accepter, contester, ça dépend de comment ces élections sont préparées, organisées. Et nous allons apprécier le moment venu, les résultats, comment est-ce qu'on a abouti à ces élections. Et nous nous exprimerons ce jour-là. Aujourd'hui, non. Je ne peux pas dire que je vais accepter aveuglément ce qui viendra. Si par exemple, le jour des élections, il n'y a pas d'élection, et qu'on proclame autre chose, est-ce que je vais accepter ces résultats? S'il n'y a pas d'élection, on n'aura pas à proclamer les résultats. Ce qui est certain, nous irons au bout de ces élections. Mm-hmm. Le Front Debout ira au bout de ces élections. Il sera présent. On a déjà volé à travers le fichier électoral, ça je le sais. On sera présent. On sera présent au bureau de vote. On va compter les résultats. On saura que le Front Debout a eu autant, le Prona a eu autant, le CNDD, le CNR et d'autres qui sont... Ils ont eu autant. Et nous allons bien noter ce résultat. Mmh. Ça, je vous le dis. Nous allons bien ce résultat. Ceux qui disent que le journaliste ne peut pas aller là et dire ce que proclamer ce qui sera issu des urnes, nous allons le dire tout de suite. Mmh. Parce que le gouvernement a passé 2 ans à circuler à travers tout le pays pour dire à la population que les élections ont été toujours des moments de tension au Burundi. Il y a des assassinats, des élus, beaucoup d'hommes politiques, des exils, des emprisonnements. Nous voulons que ces élections soient des élections, non pas apaisées, libres, transparentes et démocratiques, mais comme on le dit, ça c'est pour les vieilles nations qui ont la tradition démocratique, mais acceptables par les gagnants et les perdants et nos partenaires. Ça, le Front Debout va s'y plier. C'est la même question à vous. Si on continue avec ce que je vois aujourd'hui, on risque de créer des problèmes. C'est la même question à vous, Gaston Sindimo, premier vice-président de la République, candidat du parti UPRONA. Vous êtes un candidat parmi plusieurs à la course pour le fauteuil présidentiel. Vous êtes prêt à accepter les résultats des urnes, quels qu'ils soient? Bon, d'abord, quand vous me posez cette question, je prends la veste du premier vice-président de la République qui est au gouvernement, qui est en train d'organiser ces vous élections. Vous êtes parmi les... Je vous le dis parce que nous avons promis aux Burundais, à tous les partis politiques, des élections libres, transparentes, apaisées et justes. Et alors, Tendez-moi, c'est impossible. Vous allez nous juger le 20 mai. Vous allez nous juger le 20 mai, oui. Mais nous allons tout mettre les mécanismes nécessaires pour qu'il y ait des élections libres et non contestables. Donc, nous allons faire le mécanisme. Parce que vous savez, au niveau du bureau de vote, chaque candidat aura une personnalité au niveau du bureau de vote. Et un PV. Alors, quand vous envoyez quelqu'un au bureau de vote, c'est que vous êtes sûr. Pourquoi est-ce que les gens ont tendance de croire que les choses, on va voler? Il faut, par contre, penser comment mettre les observateurs pour qu'il n'y ait pas de vol. Donc, c'est ce que nous voulons. Mais, comme le président de la République l'a promis au Burundi, les élections seront du jamais vu au Burundi. Du jamais vu. Même maintenant, on vit du jamais vu, parce que arrivé à l'étape actuelle et vu la situation sociopolitique et sécuritaire, on promet qu'elles seront meilleures par rapport aux élections précédentes, à toutes les autres élections qui ont eu lieu. Est-ce que vous ne le voyez pas quand vous voyez l'atmosphère, le climat? Est-ce que vous ne voyez pas que c'est un climat plus détendu que dans d'autres périodes que le Burundi a connu les élections? C'est une amélioration. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Si c'est bon, il faut dire que c'est bon. Si c'est moins bon, il faut dire que c'est moins bon. Attention avec l'eau dormante. Est-ce que Léonce Guendakoumana... Il faut pas avoir l'eau dormante. Léonce Guendakoumana, est-ce que vous avez un appel à lancer aux uns et aux autres pour que ces élections se déroulent dans des voies normales, rassurantes pour tous? Aux institutions de l'État, le gouvernement, le Parlement, les corps de défense et de sécurité, la justice, plus la CENI, il faut qu'ils comprennent que des élections mal préparées, mal organisées, conduisent certainement à des contestations, à des répressions aveugles, à des morts, à des emprisonnements, à des exils, et ce n'est pas bon pour le pays. Et comme le vice-président vient de nous le promettre officiellement ici, mais le président l'a dit, il faudra faire en sorte qu'il n'y ait pas tricage de ces élections. Il faudra qu'il y ait déverrouillage de cet espace politique qui est déverrouillé aujourd'hui. Il faudra interdire à ces jeunes-là affiliés au parti CNDD-FDD d'intimider ou terroriser les électeurs avant, pendant et après les élections, parce que ça se fait. Et pour les partis politiques, il faut éduquer nos militants à la tolérance, éduquer nos militants au compromis, de ne pas provoquer du désordre avant, pendant et après les élections, d'accepter le verdict des urnes lorsque toutes les conditions seront remplies, mais enfin de se munir avec des discours le jour des élections, un discours pour la victoire, un discours pour la victoire et un discours pour la défaite. Parce que la gestion de la victoire et de la défaite, c'est aussi notre réalité. Alors, quand vous avez gagné, il faut un discours qui rassure tout le monde, même les perdants. Quand vous avez perdu, il faut vraiment être serein et poursuivre le chemin de la justice. Et c'est promis, Gaston Sénimo, vous êtes candidat d'un parti, l'UPRONA, mais aussi vous êtes un responsable du gouvernement, premier vice-président de la République. Vous promettez que ces élections se dérouleront dans des voies normales, rassurantes pour tous. Nous y travaillons. Nous travaillons pour que ces élections puissent être dans de bonnes conditions. C'est notre mission, c'est notre projet, parce que nous voulons marquer un changement réel au Burundi, de telle sorte que dans l'histoire, on dira qu'il y a eu des gens qui ont fait ceci. Merci beaucoup, monsieur Gaston Sindimo. Vous êtes candidat du parti UPRONA à la présidentielle du 20 mai prochain et vous êtes aussi premier vice-président de la République. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de votre participation. Merci de votre contribution à cette émission Mosaïque. Je vous remercie également et je remercie les auditeurs. Merci beaucoup à vous, honorable Léon Senghenakoumana, candidat du parti Sahwanya Frodebu, en même temps vice-président de ce parti. Merci de votre contribution à cette émission. Je vous remercie également et je suis satisfait par les propos du premier vice-président de la République, dans le sens où les élections seront apaisées, libres, transparentes et démocratiques, en tout cas mieux qu'en 2015 ou en 2010. C'est une bonne chose, c'est une heureuse nouvelle pour le Burundi et ses partenaires. Et c'est par ici que nous mettons un point final à cette émission Mosaïque pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Merci également à Jérôme Nionzima pour la réalisation, Eli Kadogo pour la mise en onde. Léon Sebitadiho, j'étais avec vous au micro. Très bonne suite des programmes sur Isanganiro. À la prochaine. Mosaïque.